Putain. Qu'est-ce que je l'aime, ce foutu rap. Ah là là. On est en 2025, gros. J'ai 30 ans maintenant. Premier album sorti, pas très bien marché, toujours pas de gosse, je me fais vieux, gros. Ah là là. Qu'est-ce que je vais devenir, hein. Heureusement qu'il y a le rap quand même. À 13 ans, je rentre dans le punch, je m'accroche. J'entends plein de rappeurs faire les oeufs au mic. Impressionnez-moi, je veux faire pareil. 6 ans plus tard, moi je pèse à peine, mais je sors mon premier sketch jeune. Je m'accroche à ces quelques personnes qui me diront franchement bien l'album. Le rap, un film porno, je voulais tout baiser. Mais je me suis trompé de rôle, regarde, j'en ai plein le cul et je m'en prends plein la gueule. Les années passent, les sons que je sors sont plus au top. J'ai déçu plus d'un beatmaker qui pourtant me disait prends-en soin de ma prod. Et c'est sûr que je vois trop large. J'hésite à te mettre du vocodeur ou changer de train de vie pour me remettre sur la bonne voie. Non, je plaisante, j'ai la trentaine. Maintenant, je veux plus faire le buzz. J't'avoue qu'à cause de vouloir plaire, j'en avais perdu ma morale. Et mec, stop les soirées sceptiques. Classe-moi pas parmi les gens de mon âge qui rappent pour canner. Meuf, des soirées s'espiche. Moi, je veux m'égarer de ces types là. Ils font les mecs indépendants. Mettre point un contrat mat leur push. J'écarte très très vite. Attends, gros, regarde. Quoi? Toi, tu fais toujours des sons old school. T'as pas la trentaine. C'est ce que j'aime, les non gens ne savent pas ce qu'ils écoutent aujourd'hui. Toi, il faut du vocodeur et un beau clip avec deux, trois meufs avec des gosses. Arrête. Rends pas tes vieilles crasses, ce qu'elle sera pis. Moi, je suis ancien mauvais élève, futur bon père de famille. Même si c'est dur, tu me suis. Je veux plus être quelqu'un dans ce foutu rap. Je veux juste pas être personne pour mon futur fils. Et j'en ai assez. Lâchez-moi la grappe. Je parle pas, tu la tendance. Quand je dis que mon rap est passé à la trappe, madame, je suis blasé. Je dois me faire une raison. Je suis plus près du clodo et du carton que de la maison de 10. Je pense à faire des mômes, tu sais, je veux plus être en galère. En plus, ça me va pas trop de faire le dur. T'as vu mon âge, je me fais vieux. Mes yeux vont bien, c'est de mes clips que je parle quand je dis que j'ai des problèmes de vue. Putain, j'ai cherché la paix, j'ai trouvé le litige. Ma carrière a pris l'eau à force de gratter des sales titres rincés. Je suis pas ce type blindé, tout ce temps à rapper. Y'a que les joues de mes proches qui ont vu s'écouler le liquide. Puis je vais découper du ta putain. Gros, c'est la sixième fois qu'on le refait, bordel. Vas-y, tu sais quoi, laisse. Essaye de faire un autre truc, et si t'y arrives pas, on fait une pause. Ouais, je me fais vraiment vieux, sa mère. Je reste franc, et je sens que ça gêne. Je prends du recul pour ça que tu me verras moins sur le devant de la scène. Moi, c'est gueule blanche, j'ai autant d'être que de potes dans la merde. Je veux changer, là ça devient pesant, sa mère. Putain, je reste franc, et je sens que ça gêne. Je prends du recul pour ça que tu me verras moins sur le devant de la scène. Moi, c'est gueule blanche, j'ai autant d'être que de potes dans la merde. Je veux changer, là ça devient pesant, sa mère. Je me range, je suis plus près de la vie de famille que du top album. J'ai trouvé l'amour, truqué ma vodka pomme. J'ai laissé derrière moi l'époque où t'insultes celle des autres dans tes chansons sans prendre soin de ta propre daronne. Aujourd'hui c'est petit à petit que je règle mes blèmes, pro. Je fais moins de son mais je représente toujours SCP, gros. Quand j'étais petit, à 30 ans, je me serais vu papa ou dentiste. Aujourd'hui je suis qu'un rappeur blasé, voilà où j'en suis.